Les 6e exposition nationale de boissons et de produits alimentaires de base et salon national de denrées alimentaires pour enfants et la 6e exposition de produits des combinats alimentaires des provinces ont eu lieu du 22 au 25 novembre à l'exposition des articles de consommation courante du ministère de l'Industrie de transformation alimentaire et des articles d'usage courant à Pyongyang. Y sont présentés des milliers de denrées alimentaires, de boissons, de sauces et de pâtes de soja, ainsi que d'huile, des fabriques de produits alimentaires de la capitale et locale. Au cours des expositions, il y a eu la visite aux usines exemplaires de l'industrie de transformation alimentaire, comme la fabrique de denrées alimentaires pour enfants de Pyongyang et le cours scientifique et technique. À la cérémonie de clôture tenue le 25 courant, des meilleures unités d'activité ont reçu des diplômes.